sais ce que tu es, c'est ta réalité. Tatoué, tatoué, tatoué, tatoué. Ton tatou préféré, c'est la toile d'araignée, gravée sur ton coude depuis tant d'années. Tu voudrais la tisser pour tous nous rassembler. Chaque fil se